On m'a posé beaucoup la question pourquoi je ne rentre pas en France? Tout simplement parce que je n'ai pas envie de mourir. C'est-à-dire qu'ici à Moscou, je suis protégé. Si je rentre en France, je ne suis pas protégé. Et vous allez me dire, mais comment vous pouvez prouver que la France ne vous protège pas? C'est très simple. Il y a quelques mois, le ministère de l'Intérieur a envoyé un courrier à mon avocat précisant que monsieur Adrien Bouquet ne nécessitait pas une protection policière par rapport à l'enquête qui avait été faite aux menaces. Je tiens bien à préciser que ça fait 3 mois que je suis menacé de mort jour et nuit sur les réseaux sociaux visibles hein, par tout le monde. J'ai reçu des balles de Kalachnikov à mon domicile en France. Aujourd'hui, je subis une tentative d'assassinat à Istanbul. Je suis maintenant inscrit en tête de liste sur une liste noire pour tuer. Afrique Média, le monde, c'est nous.